Allez, c'est la dernière fois qu'on entend cet indicatif pour débuter l'émission Coup de cœur. Bonjour à toutes et à tous. Serge, je suis en votre compagnie durant l'heure qui va suivre sur Fadjet 94.2. Je vous sens en pleine forme pour aborder ces dernières heures, ma foi, de l'année 2022. Je vais justement en profiter pour vous rappeler les différents artistes auxquels nous avons, pour lesquels nous avons consacré un coup de cœur durant l'année qui vient de s'écouler, mais surtout dans ce qui va suivre, une heure à venir pour danser et fêter 2023 qui arrive à grands pas. Sachez que durant le premier trimestre de 2022, nous avons mis à l'honneur dans notre émission. Alors, ça a commencé avec Régine le 13 janvier, puis Daniel Balavoine, on lui a consacré deux émissions, également Demis Roussos, Bonnet M, Isabelle Boulay, Barbara, tout ça c'était durant le premier trimestre. Alors je voulais annoncer, il va falloir danser, vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast et en profiter autant que vous voulez. Et puis peut-être la devise pour la nouvelle année, relax, pourquoi pas, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on danse sur Fadjet, c'est coup de cœur. Wow. toute l'équipe de Fadjet vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Sometimes I feel a little mad. Vous les avez certainement reconnus, Frankie Goes to Hollywood, Clara Luciani, Santa Esmeralda, Jackie Quartz. Allez, un petit coup de rétroviseur pour le deuxième trimestre. À qui avons-nous consacré un coup de cœur? Eh bien, écoutez, il y a eu William Scheller en avril, Sylvie Vartan, Jacques Dutronc, Didier Barbelivien, Amel Bent en mai, Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, Lynn Renaud, deux numéros pour Lynn Renaud, Axel Red, également, et Cyril Alexis, il était l'invité dans notre studio. Allez, je vous propose de continuer à danser, à vous amuser pour passer à l'an nouveau. Kungs, Christophe Maé, The Weeknd et Sheila, c'est le programme à venir sur Fabjet. trajet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Alors, que s'est-il passé dans Coup de cœur pendant le troisième trimestre de cette année 2022? Alors, le troisième trimestre, on est bien d'accord, c'est juillet, août, septembre. En juillet et août, des émissions inédites, mais pas de coup de cœur particulier. Par contre, au mois de septembre, on a repris, alors on a rendu hommage à Morane le 8 septembre, à Nolwenn Leroy le 15 septembre et un morceau immense, un immense artiste pour deux émissions spéciales les 22 et 9 septembre, c'était Michel Polnareff. Je vous propose qu'on continue en musique super vitaminée. On va pouvoir danser sur Elton John, puis Jean Schultes, puis Gala. Gala, c'est important cette année quand même, n'est-ce pas? Un petit clin d'œil. Et puis Gérard Blanc également qui nous a quittés. Well, I thought

Allez, la dernière partie de cette rétrospective des coups de cœur que nous avons partagés pendant cette année 2022. Alors, durant le troisième trimestre, il y a eu Michel Berger, deux émissions les 13 et 20 octobre. Également Ringo, l'ex-mari de Sheila, Sacha Distel, Claude Barzotti, Bernard Lavillier, Niagara. Et la semaine dernière, on était en compagnie de Claude Nougaro. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer, parce qu'en 2023, on se donne rendez-vous pour de nouveaux coups de cœur, de nouveaux coups de projecteur sur les artistes que vous aimez, que nous aimons. Dernière partie musicale, puisque là, cette émission, elle est vraiment très vitaminée pour vous faire danser, pour vous faire passer le cap de la nouvelle année. Nous, on l'aime beaucoup, c'est un coup de cœur, c'est Kungs, on va le retrouver une seconde fois, et puis Dalida. Pour le moment, on tape dans nos mains, clap your hands. Sing along at the song. je te jure. Parole, parole, parole, parole, parole et encore des paroles que tu sais. Que je suis parvenu à vous mettre de bonne humeur, à vous faire danser, c'était le but de cette dernière émission de l'année, ce dernier rendez-vous dans Coup de cœur. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année à venir et bien sûr la santé. Le reste, je suis persuadé qu'on arrivera, vous et moi, à gérer. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 17h le jeudi pour le hit coup de cœur. Ce sera le premier jeudi de l'année, le premier jeudi du mois. Et puis, ben, on peut encore passer d'un bon réveillon et rester à l'écoute de Fadjet. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt la semaine prochaine. Salut !